éternisez-vous tendrement, comme la chaude caresse d'un feu. Ne me souhaitez aucun bonheur si vous partez résolument. Aucun été sur la plage, aucun hiver à la neige, de la nuit déterminée à geler toute la sève. Remballez vos sourires, tournez à 180 degrés, minaudez sur les quais l'océan furieux. Siphonnez mon ennui, s'il vous reste de l'aspiration. Chantez toutes mes nuits, s'il vous reste de l'inspiration. Mettez votre bonnet, soyez belle, épanouie. Haïssez comme je hais, haïssez, forcez-vous. Trompez sans savoir, chahutez les pigeons, dodelinez derrière eux, sautillez, dansez, vivez, discutez avec vos amis de superficielle dentelle. Moquez-vous, riez, effleurez, effeuillez, ricochez dans le vent, insaisissable et divine, câliner et baiser les petites mains sales. Sublimez sans effort, d'un geste, d'un mot, d'un simple courant d'air, la vie qu'on m'a donnée.